Je peux rouler en feu de position uniquement? Réponse A. En feu de croisement? Réponse B. En feu de route? Réponse C.